C'est Charline. Oh, mais c'est Frédéric Fromet. Ah oui, c'est moi. Oui, bah je vois bien que c'est toi. Oui, bah oui. Bon, disons que t'es vachement à l'avance pour ta chronique de vendredi. Non, mais Fred, il vient nous aider à écrire des blagues. Mais oui, c'est parce qu'on manquait de jeux de mots. C'est ça. Ah bon, on manque de jeux de mots, vous trouvez? Non. Si, c'est vachement hype pour les jeux de mots. Lance un sujet à Fred, tu vas voir le mec. Ok, alors je sais pas, moi, tiens, on va parler de la région PACA. Voilà. Vas-y. Ouais, ils avaient PACA voté Estrosi. Oh, c'est excellent. Et c'est ça qui nous manque. Ouais, ça nous vient pas, nous, alors que Fred, ça lui vient spontanément, c'est une machine. Ah oui, quelle vivacité d'esprit. C'est ça, les filles, donnez le deuxième sujet à Fred, vous allez voir. Ah, bah, la COP21 est d'accord. Ouais. Il y a eu fumée blanche. Ouais. C'est normal que la COP21 parte en fumée. Oh, c'est excellent, et encore là, le mec, il a pas préparé. Ça lui vient comme ça. Encore là, c'est le matin, mais j'en trouverai des mieux que ça. Oui, alors si c'est possible, ça m'arrangerait. Et troisième sujet, allez, on donne le troisième sujet. On parle de la salle de cinéma de Le Brady. Alors, vas-y. Les films sont pas chers là-bas. Pourquoi? Bah, les films sont bradés au Brady. Oh la vache. Je l'avais pas vu arriver là. Et là, en plus, il y a du fond. Hein. Il a dénoncé la précarisation des films. Hein. Vous avez vu ça ou pas? La semaine s'annonce désopilante. C'est qui l'invité? C'est Félix Moati. Ah, génial. Vas-y. Oh non. Bah quoi, il y a rien qui te vient, Moati? Oh, je suis désolé. Bah alors, ça c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, Fred. Je t'assure. Non, c'est pas grave. Ça arrive parfois que j'ai pas un mot à dire. Il fait semblant qu'il en a pas, il en a un. C'est fou. Là, quelle semaine. Bonjour la France inter et même la moitié de la France, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui appuie sur tous les boutons de l'ascenseur et voici les trois informations qui vont s'arrêter à tous les étages jusqu'à 18h, parce que c'est Guillaume qui a appuyé bien sûr. Quelles leçons tirer des élections régionales? Eh bien pour une fois tout le monde dit qu'il n'a pas gagné, voire qu'il a perdu. On mérite pas. On est tout petit. On est à chier. La COP21 s'achève sur un succès de la diplomatie française. Monsieur, avec Ferrero Rocher, vous nous avez vraiment gâté. Et il existe encore quelques cinémas où le spectacle est autant dans la salle que sur l'écran. Bref, où l'écran est placé dans un écrin. C'est un ciné de niche. Hein. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. Ah. À Dijon. Oh. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui plus jamais ne va seul au cinéma, pas pour le film, mais pour ce qu'on y fera. C'est Alex Vizorek. Mais oui, bien sûr, j'aime beaucoup manger des pop-corn. Bonjour Charline Vanhoenacker. Attention, une belle équipe très virile autour de la table. À 17h20, celui pour qui Guillaume Durand a dit la semaine dernière « T'inquiète, il y a déjà tellement de radios où on comprend tout ce qui se dit. » C'est André Manoukian. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. De quoi on parle? On va parler d'un groupe dont j'ai déjà parlé ici, sauf qu'à l'époque, il n'avait pas de disque. Et grâce à ma petite chronique et surtout à votre belle émission, eh ben, ils ont fait leur premier album. Ah, génial. Il s'appelle Ego Pusher et c'est des Suisses. C'est pas bon parce que tout le monde va vous envoyer des disques pour en faire un. Déjà que les contrôleuses dans le train, elle me chante Michel Legrand. C'est vrai, c'est la nouvelle star au quotidien avec André Manoukian. À 17h30, l'homme qui remet l'église au milieu du village, ce qui n'est ni rassurant pour l'église et encore moins pour le village, c'est Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charline. Alors moi j'ai voulu fêter l'élection de Valérie Pécresse à la tête de la région Île-de-France avec ses amis de la Manif pour tous. Dieu a institué le mariage au début de l'humanité. Hommes et femmes. Ah, ils vous avaient manqué, hein? Eh ben, ils sont de retour! Et à 17h40, non content d'être une star du cinéma d'auteur, il est devenu auteur-star de chroniques sur le cinéma, enfin sur le cinéma quand il lui arrive rien de plus important dans la semaine. Bonjour Hippolyte Girardot. Bonjour Alex, bonjour Charline. On va parler de quoi? De vous, du cinéma? Non, ben justement aujourd'hui on va parler de cinéma, mais la chronique s'appelle Le bouclier de Valérie quand même. Voilà, on n'est pas sûr. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Oui, c'est vous. Ne prenez pas cet air étonné. Vous êtes né sous Mitterrand. Vous décrochez votre premier rôle au cinéma dans LOL de Lisa Azuello en 2009, quand Jacques Chirac publie le premier tome de ses mémoires. C'est quand LOL. Il en avait encore, oui. Vous êtes nommé pour le César du meilleur espoir pour votre rôle dans Télégaucho de Michel Leclerc en 2013, quand le Front de Gauche lance une campagne contre l'austérité. Alors depuis, on n'a plus de nouvelles, hein, mais bon. Vous êtes à l'affiche. Vous êtes à l'affiche du film Hippocrate en 2014, quand une nouvelle maladie orpheline est détectée, la phobie administrative. Et vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Félix. Ouais. Moitié. Non, c'est vous, c'est le Félix Moitié. Félix Moitié avec qui lui ressemble. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes... j'annule tout. Félix Moati, donc, vous avez été meilleur, nommé pour le César du meilleur espoir pour un film de Michel Leclerc en 2013 qui s'appelait Télégaucho. Et là, vous revenez avec Michel Leclerc. Eh oui. Eh oui. La vie très privée de Monsieur Sim, avec Jean-Pierre Bacri, notamment Mathieu Amalric ou Valéria Golino, et votre ami Vincent Lacoste. Alors, c'est un road movie avec Jean-Pierre Bacri à tous les plans. Si vous aimez Jean-Pierre Bacri, vous êtes ravis. Il y a aussi une voiture et un GPS avec la voix de Jeanne Chéral. j'ai regardé le générique. Et des brosses à dents. Et la musique de Vincent Delerme, ça va vous plaire, Alex Jurek. Voilà. Et le visage de Jean-Pierre Bacri, donc sur tous les plans. C'est, alors, il y a quelques personnages qui gravitent autour de Jean-Pierre Bacri, qui fait un voyage à travers la France, qui se trouve ennuyeux, qui est dans une période de loose terrible, et il est en quête d'autre chose. Et puis vous avez un très joli rôle, un rôle comme ça, un peu de poète échevelé, un peu perché, qui vient donner du souffle au personnage principal de Jean-Pierre Bacri, parce que c'est une parenthèse de sa vie. Oui, c'est un peu un film dans le film, quoi. Exactement. Alors, expliquons un petit peu pour les gens qui ne l'ont pas encore vu, parce qu'il sort mercredi. Il sort mercredi, ouais. Il fait pas mal de monde, donc. Il y a un film dans le film. C'est vrai qu'on se disait, ça ne décolle pas. Mais et, donc, et à l'intérieur de ce film, il y a un autre film, en fait. Oui, voilà, c'est vrai. Il y a deux films dans le film. Et donc, en fait, il y a plein de personnages comme ça qui gravitent autour du personnage de Jean-Pierre Bacri, et comme vous dites, c'est une espèce de d'odyssée. Oui, enfin là, ce qui la partie dans laquelle je suis, oui, c'est un flashback au moment dans les années 50. Et moi, je joue une espèce de dandy dans les années 50, très, très passionné par Apollinaire, Mallarmé et l'ivresse et tout ça. Et donc, c'était assez marrant en plus avec Michel Leclerc, le réalisateur. Et qui donne, votre personnage donne un peu la clé de l'histoire. De l'énigme. C'est pour ça qu'on m'a bien dit, n'en parle pas, Félix. Effectivement. C'est pour ça que j'essayais de skier un peu, en fait, en disant c'est une odyssée, tout ça et tout, mais je voyais votre regard insistant, je culpabilisais. Non, on peut pas dire, mais vous êtes vraiment la clé, un personnage clé dans cette énigme. Et oui, c'est comme une odyssée. Jean-Pierre Bacri est dans la loose et il décroche un nouveau travail de représentant en brosse à dents, écologique, durable. Vous arrivez plus à la fin du film pour donner la clé. Donc évidemment, si vous êtes là, il faut aussi nous expliquer peut-être et nous dire comment vous voyez Jean-Pierre Bacri, qui a un rôle vraiment particulier parce qu'il est présent tout au long du film, quasiment tous les plans. Hippolyte Girardot, vous avez vu le film, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est marrant de voir Jean-Pierre Bacri dans un côté plus consensuel. Oui, tout à fait. C'est tout à fait étonnant, mais je pense que en cela, il est un symptôme qui nous regarde tous, quoi. Au-delà d'un acteur extraordinaire et de ce film, mais voilà, c'est un symptôme. Mais je vais pas commencer à dire ma chronique maintenant, Charles. Mais non, j'interroge Félix Moati. Vous, le regard que vous avez donc sur Jean-Pierre Bacri, l'acteur, et particulièrement dans ce film-là. Moi, je trouve que, enfin, déjà, j'étais un peu intimidé quand je l'ai rencontré, et en fait, il a une espèce de gigantesque tendresse qui est évidente et immédiate et qui nous donne, en fait, vraiment, il est plus timide que je ne l'étais, donc. Et c'est un personnage de mélancolique joyeux, quoi. Et ce qu'il est un peu dans la vie, je crois, je le connais pas, donc je me permettrai pas, mais j'ai l'impression que c'est voilà une espèce de joie mélancolique, de bougon tendre, ce qu'on dit souvent de lui, mais je pense qu'il est beaucoup plus que ça, en fait. Et plus complexe que dans les rôles. Oui, plus complexe d'habitude. Beaucoup plus complexe. Mais ce qui est très fort chez Bacri, comme chez les très grands acteurs, c'est qu'on voit qu'il écoute son partenaire à un point extraordinaire. Ce que Girardot fait jamais dans Non, mais moi j'apprends avec l'écran, justement, à écouter et à entendre. Et lui, il est très, très, très fort. Il est très là-dessus. Et ça, c'est génial, je pense. Elle découle de ça. Comment c'est de travailler avec quelqu'un comme Bacri, dont on a l'impression que la partition, elle est évidente pour lui et que peut-être il la jouerait seul, que ça fonctionnerait aussi. Mais c'est vrai qu'il est souvent seul à l'écran et il l'amplit totalement. Et même cette voix qu'il écoute, ce que vous disiez en fait, cette voix qu'il écoute, il l'écoute totalement, quoi. Il est totalement à l'autre. Et ça, c'est. Je pense que c'est à cause de ça que nous, on l'écoute. Et on le regarde. Ouais. C'est là où. Et ça, c'est vraiment la marque. Il est passionné à regarder, quoi. En règle générale, on l'aime bien, donc on part sur quelque chose de positif. Le fait qu'on l'aime bien et que le film est très réussi. La vie très privée de Monsieur Sim, de Michel Leclerc, donc avec Félix Moati, et puis avec Jean-Pierre Bacri, bien sûr, Mathieu Amalric ou Valérie Golino, et même Venantini. La nouvelle idole de cette émission, qui joue le père de l'amour d'enfance de Jean-Pierre Bacri, qui fait partie de ces personnages qui, comme vous, gravitez autour de lui. Qui est formidable, d'ailleurs, dans la scène qu'il a avec Bacri. Génial. Plein de bons acteurs. Donc dans ce film qui sort mercredi, film de Michel Leclerc, et c'est Félix Moati qui est avec nous jusqu'à 18h, qui a tout annulé. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance. Need the cover of October skies. Yet all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yet I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just make some more romance with you, my love? Sur France Inter, nous sommes en compagnie de Félix Moati. Il joue dans La vie très privée de Monsieur Sim, de Michel Leclerc avec Jean-Pierre Bacri. Je peux citer aussi Isabelle Gélinas, que je n'ai pas cité encore. Ça sort en salle mercredi. Vous êtes sur France Inter avec autour de cette table. Et bien, autour de la table, nous avons André Manoukian, Guillaume Meurice, Hippolyte Girardot. Et autour de la table, nous avons même une école de communication qui est venue voir comment on bosse. Sérieusement. Oui, ils sont là. Donc attention. Un peu plus fort que ça, quand même. Pour une fois, il y a des gens qui viennent nous soutenir et apprendre ce que c'est que vraiment le métier sérieux de l'information. Et on va leur montrer maintenant. Allez, venez voir les professionnels, c'est parti. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Oui, hier soir, c'était donc soirée électorale. Et TF1 a diffusé juste après Le Dîner de Cons. Un film pour ceux qui auraient voté juste le blanc. Ah bon? Ils n'ont pas voté? Pardon? Bah, ils ont voté blanc, ils n'ont pas voté. Non, Charline, vous par exemple, vous pourriez voter le roux, et bien d'autres, ils ont voté le blanc. Ah bon, d'accord. Titre suivant. Télévision, Julien Lepers se serait fait virer de France Télévisions. C'est une exclue Téléstar qui écrit, je cite, « L'annonce du départ de Julien Lepers risque bien d'avoir les mêmes répercussions qu'un tremblement de terre. » Voilà, on salue tous les habitants d'Haïti qui regardaient Julien sur TV5 Monde. Et il y aura des brèves en hommage à Julien. Et on commence par l'invité du 7h50 ce matin sur France Inter. Oui, il s'agissait de Jean-Marie Le Pen en direct de chez lui. Et il connaît la cause de la défaite du Front National. C'est à cause de... Je rappelle quand même que le Front National au deuxième tour est seul contre une alliance des communistes, des socialistes, des écologistes, des chasseurs, des républicains, de l'UDI, des centristes, la CGT, la CFDT, le grand patronat, le grand Orient, j'en passe et des pires. Mais non, Jean-Marie, dites-nous ce que vous pensez. C'est également à cause de la NASA, des Illuminati et de la confrérie des amateurs d'andouillettes 5A. Ce qui est bien, c'est qu'il a mis les chasseurs avant les républicains. Donc c'est pas du tout à cause des idées du FN. Ah bah non, alors évidemment. Ça va. Régional toujours. Hier, Nicolas Sarkozy était au Parc des Princes pour PSG Lyon. Oui, la meilleure façon de voir son équipe gagner face à des adversaires au complet. Et dans la série Je ne suis pas au bon endroit au bon moment. Et en Maude Fontenoy, Madame Climat de Nicolas Sarkozy avait choisi d'animer en pleine COP21 un séminaire pour Philippe Maurice. Oui, elle se défend en disant « Je l'ai fait pour rendre service à un ami ». Alors de deux choses l'une, soit elle a un ami cigarettier, ce qui n'est pas bien, soit elle se fout de notre gueule, ce qui est encore moins bien. Nicolas Sarkozy n'a d'ailleurs pas réagi au succès de la COP21. En effet, il devait être en train de chercher un cendrier pour Maude Fontenoy. International, élection municipale en Arabie Saoudite, pour la première fois, les femmes ont pu voter et se porter candidates. Oui, 14 femmes ont été élues. On notera toutefois une douzaine de bulletins invalidés, les votants ayant glissé le bulletin dans la fente d'une burqa plutôt que dans l'urne. Venons-en au dossier, gros dossier de cette édition. Oui, d'après Téléstar, Julien Lepers serait licencié de Questions pour un champion. C'est dur. Même Nathalie Kosciusko-Morizet est choquée. Julien, est-ce que vous vous y attendiez ? C'est non. Et c'est non pour nous aussi, évidemment, c'est la grosse surprise. Alors, on a voulu être au plus proche de l'info. Nous avons donc appelé des fans sous le choc. Il n'a pas fallu chercher bien loin, Charlie. Non, parce que voilà, des grands-parents de personnes de l'équipe ont appelé leur grand-mère. Et écoutez, Julien Lepers est viré de France Télévisions. Julien Lepers ? Oui. Pourquoi ? Ton Julien Lepers. Ben, moi, je ne le regarde plus maintenant. Hein. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, je regarde Nagui. Ah, tu préfères Nagui. Mais pourquoi est-ce que tu as fait une infidélité à Julien Lepers ? Ben, je ne sais pas, parce que les personnes qui passent là me... C'est tous des vieux cons, et je ne sais pas, ça m'énerve. Ah, d'accord. Bon. Et il est viré ? Ben, oui, il est viré. Ah, comme ils ont fait avec Claire Chazal. Un petit peu ça, c'est terrible quand même. On vire les gens comme ça maintenant. Bah oui, c'est fou. Après autant d'années. Oh là là, c'est quand même terrible. Oh là là. Bah oui. Mon Dieu, mais je t'assure que ça me choque quand même, hein, parce que je le trouvais bien et que c'était un garçon convenable et je l'ai toujours admiré. Voilà. Ah, bah voilà. Écoute, je n'ai rien à dire de mal de ce monsieur-là. Voilà. Voilà mon interview. Et dans l'équipe, on doute que vous l'ayez prévenu qu'elle passerait sur France Inter à 17h26. Non. Si, je lui ai dit. Oui. Bah, rien dit. Bon, bonjour, mamie. Voilà. Et nous avons même une autre grand-mère d'un autre membre de l'équipe parce qu'on a trouvé le jeu amusant. Disons que si je suis à la maison, que ce soit Marcel ou moi, on le met. Je m'en conviens parce que c'était la seule émission qui est un petit peu instructive, je trouve. On parle pas... En général, les émissions, c'est tout des trucs rigolos. Qu'est-ce que tu veux pour nous, anciens ? Eh ben, on aime bien quand même quand c'est un petit peu... à côté de ça, si tu veux. Et on remercie Raymond, la grand-mamie, de Classophie Collet. Classophie Collet, merci, on l'embrasse. Allez, pour se remonter le moral, terminons par une petite brève. Oui, on termine en Angleterre, où un promoteur immobilier réputé millionnaire est accusé de viol par une jeune femme de 18 ans. Oui, et Ethan Abdulaziz s'est défendu devant les enquêteurs en disant « J'ai trébuché et je l'ai pénétré par accident ». Mais oui, hein, le gars doit être sérieusement malchanceux, parce que moi, chaque fois que Léa Salamé passe dans le couloir, je trébuche, et ça n'a jamais fonctionné. Allez, Félix Moiti, on va voir avec vous le premier sujet. Ça y est, les régionales sont passées, les politiciens sont pleins de bonnes résolutions pour tout reprendre à zéro. Ah oui, on va réorganiser un peu les postes de travail. Dès lundi, je veux que tout le monde fasse au moins 2 heures de standard par semaine à l'accueil. Si, et on commence avec toi, Jean Bradley. C'est bien que chacun reparte un peu de zéro, même si certains ici ne sont pas beaucoup plus hauts. Moi, régulièrement, je redeviens coursier en anonyme. Ah ouais ? Ouais, pour rester simple. J'enfile une tenue et je vais livrer une pizza. Je dis pas que c'est moi. Mais évidemment, pour redevenir simple, il faut déjà être devenu quelqu'un. Quand on reste scotché à la base, on ne peut pas redevenir simple. On l'est. Un extrait de Importantissime qui passe sur Canal avec Chris Esquer. Alors, tiens, dans Le Monde, daté cet après-midi, l'article sur les élections régionales commence comme ça. La droite a gagné, mais elle aurait tort de fanfaronner. La gauche sauve la face, mais elle n'a pas de quoi triompher. Le Front National subit un revers, mais il n'a jamais été aussi puissant. Ça paraît un peu complexe. Alors, Félix Moati, vous, de manière globale, qu'est-ce que vous retenez, quelles leçons vous retenez en tant que citoyen de ces élections régionales et comment vous avez un peu vécu les deux week-ends qu'on vient de vivre? Moi, dimanche dernier, quand même, je dois dire que j'étais un peu au fond du gouffre et j'ai même rêvé de Marine Le Pen. Donc, je me suis dit, si elle commençait à squatter mon inconscient, j'allais être vraiment très très mal. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, moi, j'ai été franchement ému de voir qu'on est quand même, un pays assez admirable, quoi, parce que y a pas eu, avec les attentats, tout ça et tout, il n'y a pas eu d'hystérie collective, on n'est pas devenu complètement maboule. Et là, hier, le Front National a montré, enfin, ils disent que ce n'est pas une défaite et qu'ils sont devenus le premier parti. Et j'ai vu encore le petit sourire de Marine Le Pen hier soir, mais en vrai, ils se sont pris une pilée. Et ça, c'est la vérité des faits. Et ça montre à quel point notre peuple, quand même, est admirable, moi, je trouve. Et j'étais trop fier, en fait, parce que on n'a pas du tout cédé à leur sirène, et malgré cette idéologie de la peur qu'on n'arrête pas de nous vendre constamment, partout, et bah, ça n'a pas pris. Et c'est trop beau. Et Estrosi nous a sauvés. C'est ça qui est ça, moi, je trouve ça trop beau. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire que ce sursaut de conscience. C'est même pas un sursaut, électeurs. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie, en fait, je pense. C'est de la lucidité. C'est que, puisqu'on les prend tout le temps sur le terrain humaniste, le Front National, là, on a compris qu'il fallait les prendre sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, c'est le vide, c'est le désert. Ils n'ont pas de programme économique, ils veulent vider le planning familial. C'est des mesquins. Vous ils ont été pris pour ce qu'ils étaient. Tellement de débats sur le fond, parce que le débat, c'était surtout aller voter pour les contrer. Ouais. Mais ça, c'est bien, parce que, je veux dire, c'est pas à la presse d'intimer aux gens ce qu'ils ont envie de voter. Ils votent ce qu'ils veulent. Mmh. Les gens, s'ils veulent voter Front National, qu'ils le fassent. Et ils ont totalement le droit de le faire. Et donc, mais sur le fond, là, cette semaine, j'ai l'impression que les gens se sont rendus compte, enfin, les adversaires politiques du Front National se sont rendus compte qu'il fallait parler politique avec eux, en fait. Et ça marche. Eh oui, Félix Moati, citoyen engagé. Non, juste spectateur de mon pays. Bah enfin, oui, bah pas voilà. Que spectateur, hein, vous avez une analyse quand même. Ça m'intéresse, je vis dans ce pays. Donc. Voilà, et André Manoukian, tiens, vous aussi, ça va mieux? Eh ben oui, ça va mieux. Oui, ah oui, gros soulagement quand même, faut pas rigoler. Gros soulagement, mais je trouve que les gens ont pas beaucoup de mémoire. Alors c'est pour ça, là je vais faire ma chronique sur un groupe super moderne, il est de maintenant, mais je vais faire un peu d'histoire si vous permettez bien. Parce qu'à un moment donné, il faut contextualiser un petit peu les choses. Dites-lui non, Charline. Comment ? Dites-lui non, s'il vous plaît. Donc, je vais remonter, non, je vais pas remonter très loin, j'ai remonté dans les années 30 à l'ère du swing pour parler de la musique en général, ok ? Pourquoi les années 30 ? Parce que c'était l'époque un petit peu rêvée, ça a duré de 1934 à 47, surtout aux États-Unis, mais même chez nous en France aussi. Et en fait, c'était l'époque où le jazz faisait danser. Et moi qui suis un jazzman, ça me réjouit tellement de penser qu'à l'époque, c'était la musique branchée. Et surtout, c'était non seulement la musique branchée, mais ça se jouait à 22 musiciens. Dans un big band, il y avait 22 lascars. Vous imaginez un petit peu les tournées, comme ça devait être rigolo dans les bars et tout ça. Dans les bus. Alors, c'est quoi? C'est les groupes de Duke Ellington, de Count Basie, de Benny Goodman. Les concerts se passaient en fait dans d'énormes dancing où on pouvait s'en donner à cœur joie pour faire un petit coup de jive, de Charleston ou de Two Steps. Vous avez jamais dansé le jive? Non. Ça vous dit un petit jive? Oui, vous pouvez m'apprendre. Tout à l'heure, ok. C'était que des danses de Fred Astaire, qui, soit dit en passant, avait la grâce dans les cordes vocales et dans les pieds. Contrairement à Guillaume Meurice qui chante, lui, avec ses pieds. Bref, les gars étaient jusqu'à 22, et puis tout d'un coup, le cocktail fatal, et c'est là que vous allez voir, hein, qu'il y a un rapport avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Non, on n'y croit plus depuis longtemps. Mais si. Cocktail fatal, deux trucs. Crise économique, plus nouvelle technologie. Bim. C'est quoi dans les années 30 la nouvelle technologie? Télévision. Le nazisme? Non. Le nazisme, oui. Non, la nouvelle technologie. La nouvelle technologie, c'était le tourne-disque. Bien sûr. Les gens, ils n'ont plus besoin d'aller, de sortir pour aller danser. Alors voilà. Donc du coup, les grands orchestres, à partir de 45-47, eh ben, ça se réduit, ils sont plus que 4, on appelle ça des combos. Et du coup, vu que les musiciens se retrouvent plus qu'à 4 et que c'est des jazzman, il n'y a plus besoin d'avoir des grosses orchestrations, plus besoin d'avoir des partitions. Et voilà que la musique, le jazz, retrouve une forme de spontanéité, de liberté. Les musiciens moins contraints laissent libre cours à leur fougue improvisatrice. Et là, ça va donner quoi? Charlie Parker et Miles Davis, en même temps qu'une nouvelle musique beaucoup plus fougueuse que le swing de papa, le bebop. 2. de l'influence, pardon, des contraintes économiques sur l'émergence d'une formidable musique de liberté. Aujourd'hui, on est en plein dedans. C'est la même chose. L'industrie musicale est en crise, le CD n'existera bientôt plus, on écoute en streaming, c'est gratos. Les musiciens dans l'histoire de l'humanité n'auront finalement été riches que pendant 30 ans, de 1970 à l'an 2000. Alors voilà, il ne reste plus que les concerts pour gagner un peu d'argent, seulement voilà, là aussi, il faut réduire la voilure. Donc, des 24 musiciens du Big Band des années 30, nous voilà arrivés à deux musiciens, le duo. Oh, c'est comme chez les Verts. De plus en plus de groupes transposent leurs arrangements pour pouvoir les exécuter à deux sur scène. Alors, il faut un petit peu de matos, des boucles de looper. Le looper, c'est ce qui vous permet de faire des boucles, mais en live instantané. Il y a des ordis qui balancent des séquences, il y a des chambres d'écho qui démultiplient les sons. Au-delà des astuces qu'il faut trouver pour restituer une ampleur dans le spectre sonore digne de faire transpirer moustache et partie génitale, parce que c'est quand même les organes principalement touchés par l'émotion, la restriction a donné naissance, une fois de plus, à une forme esthétique extrêmement séduisante, avant-gardiste et osée. La sobriété, l'épure des lignes, l'attention soudain concentrée... Oui, l'épure des lignes, comme dans votre chronique, exactement, en fait. Exactement. Et non plus dispersée sous une foison d'instruments, la concentration extrême, c'est ça qui fait le son d'Ego Pusher. Nos nouveaux héros sont en train de naître en même temps que les nouvelles pratiques musicales et ils produisent nouvelle musique. Encore une fois, les musiciens d'Ego Pusher sont en avance d'une paix. Si on transposait leur démarche musicale à l'économie, on obtiendrait des petites unités mobiles extrêmement rapides, des associations de binômes innovants où le dialogue est permanent, où l'émulation est telle qu'on se grimpe littéralement dessus, c'est une image, avec un enthousiasme retrouvé et une seule envie, croquer le monde. Ego Pusher, c'est quoi? C'est un violon, une batterie. Et c'est surtout une gigantesque énergie libérée de la fusion du noyau atomique de Tobias Prysik, le violoniste virtuose, et d'Alessandro Dianelli, maître des beats implacables et innovants. Tout ça, ça produit la musique du futur. Et c'est la seule question qu'on doit se poser quand on écoute des musiciens. Qu'est-ce qu'ils amènent de neuf? Les deux musiciens d'Ego Pusher ont mêlé dans leur caclon à fondu. Ouais, c'est des Suisses encore. Par les temps qui courent, je me disais que c'était pas idiot de protéger ses arrières, mais il semblerait qu'on puisse rester encore un peu en France. Dans leur caclon, disais-je, il y a quoi? Il y a du Steve Reich pour les séquences répétitives. Il y a du Led Zepp pour le son dévastateur et la virtuosité insensée du violoniste. Il y a du Prodigy pour les beats implacables du batteur. Il y a du Vivaldi avec un zeste de Coltrane pour les envolées baroques du beau Tobias Prysik. Oui, Charline, en plus de ça, Tobias, le violoniste, il est beau comme Johnny Depp. Pusher. Ouais, le morceau s'appelle Dirt. Voilà, Dirt. Si c'est pas la musique du futur, ça, voilà, c'est génial. Ils viennent de sortir leur premier. C'est pas un album, c'est un EP. Ça va être bien ce futur. Et surtout, il faut les voir en concert. Rassurez-moi. Allons les voir en concert. C'est oui, romantique sortons. Et puissant en même temps. En terrasse, en concert, vous êtes sur France Inter avec Félix Moati qui vient nous voir. Il joue dans La vie très privée de Monsieur Sim de Michel Leclerc. C'est avec Jean-Pierre Bacri et c'est au cinéma dès mercredi. Tout va bien, Félix ? Tout va bien. Vous êtes chaud pour le deuxième sujet, mais juste avant, attention, vous avez encore le temps de réfléchir parce qu'il y a le moment Meurice. Qui est un moment où vous allez nous déterrer un vieux mouvement qui sent un peu la naphtaline et qui est toujours là en fait. Bah, je vais tout simplement vous parler des élections régionales aujourd'hui, hein, et plus précisément de Valérie Pécresse, que je félicite pour sa victoire. Son slogan de campagne était « Nous vous devons beaucoup plus », donc c'est le moment d'envoyer un RIB à Valou. Un autre de ses slogans était « Avec Valérie, faites rentrer l'Île-de-France dans l'ère de la modernité ». Alors, exemple de modernité, Valérie Pécresse a proposé récemment de démarier les homosexuels. Eh ben, ça, c'est moderne. Ça, personne n'y avait jamais pensé avant. Alors, on imagine déjà des grandes cérémonies de démariage, hein, où les gens viendraient peut-être ramasser du riz à la sortie des mariés. Je sais pas, il y aurait des soirées où on écouterait les chansons de Patrick Sébastien, mais à l'envers. Hein, ça peut pas être pire qu'à l'endroit, finalement. Car oui, Valérie Pécresse est très attachée au mouvement de la Manif pour tous. Et les copains de Valou se donnent d'ailleurs rendez-vous quasiment tous les soirs devant le ministère de la Justice pour protester contre la loi Taubira. Ils se font appeler les veilleurs et je suis allé les voir dans la nuit et dans le froid. Je suis donc allé à la rencontre de la modernité. Deux personnes de même sexe, ça s'appelle pas un couple, ça s'appelle une paire. Attendez, comment vous écrivez paire ? Un paire, P-A-I-R-E. Ah. Pour les objets ou pour une paire de bœufs, exactement. Pardon ? Une paire de bœufs. Une paire de bœufs, voilà, une paire de bœufs hein, pour labourer les champs. Vous la sentez, la modernité, là, ou pas hein ? Alors, ça marche avec d'autres choses. La modernité, un bec de lièvre, vraisemblablement. Ah oui, aussi, oui, c'est vrai, mais pas le physique. On n'attaque pas le physique. Non. Une paire de sabots, par exemple, une paire de gants en maille pour partir en croisade. Voilà, il y avait plein d'exemples de modernité possibles. Autre preuve de modernité, les valeurs de l'écologie que défendent les amis de Valérie Pécresse. Pour eux, le mariage homosexuel, c'est. C'est contre l'écologie. Familiale. Contre l'écologie familiale ? Oui, bah oui, c'est la base quand même de l'écologie. Attendez, qu'est-ce que vous appelez l'écologie familiale ? C'est-à-dire les choses qui vient de ce qui est le plus naturel, le très naturel. Oui, ça c'est moderne. Il faut s'attacher uniquement à ce qui est naturel au sein de la famille. Voilà, c'est ça en quelque sorte. Par exemple, si le petit dernier a chopé une pneumonie, c'est naturel. Arrêtez de vouloir le soigner tout le temps. D'ailleurs, cette petite vieille là, elle était peut-être bien en train d'en choper une de pneumonie, à rester dans le froid comme ça. Eh bien, qu'elle se démerde avec la nature. D'ailleurs, j'avais une dernière question à lui poser. Vous allez rester jusqu'à quelle heure comme ça ? C'est quand je sais pour mettre un petit peu un brin d'humour. À 2h du matin, je dors déjà. Excellent. Vous pouvez pas comprendre, c'est l'humour moderne, mais pas sensible, hein, c'est votre problème. Mais bon, c'est quand même beau des gens qui se rassemblent comme ça. Bon, alors sans vraiment se rassembler, parce que c'est interdit, donc ils sont tous debout, espacés de quelques mètres, sans slogan, sans pancarte, mais ils sont unis par la modernité et bien sûr par la haine de Christiane Taubira. Je pense que Madame Taubira est de gauche, je pense que les associations qui militent en sous-main, elles sont clairement ancrées à gauche. Après, les autres membres du gouvernement, c'est assez bariolé, dans tous les sens du terme. C'est excellent, putain, l'humour moderne, c'est vraiment génial. Ça me rappelle Jean Roucas, dans sa période moderne, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on va se marrer avec les copains de Valou au conseil régional ? Et on va peut-être organiser la résistance à cette propagande honteuse qui fait dire qu'ajouter des droits aux homosexuels n'en enlève pas aux autres, pas vrai ? Si il m'enlève à moi le fait que je suis père, parce que quand je remplis une fiche de famille nombreuse à la SNCF, je ne suis pas père, je suis parent 1. Point. Est-ce que vos enfants vous appellent parent 1 ? Pas encore. Vous craignez que vos enfants vous appellent parent 1 ou parent 2 ? C'est absolument sûr et certain. Ben oui, si on continue à pas être moderne, ça va finir comme ça. Et ça pourrait être bien pire, je vous le dis. À la messe, on va finir par dire « notre parent 1 qui êtes aux cieux ». Il paraît même que dans le prochain Star Wars, Dark Vador, il dit « je suis ton parent 1 ». Alors bon, heureusement que les copains à Valou sont là pour protéger nos enfants, et notamment de l'adoption. Parce qu'un enfant doit être fait par des voies naturelles, c'est tout. Donc, il faut interdire l'adoption pour les couples homosexuels, comme pour les couples hétérosexuels, c'est ça ? Ah, hétérosexuels, non, ça n'a aucun problème. Pourtant, ça veut dire que peut-être ils ne peuvent pas avoir d'enfants par les voies naturelles non plus. Ah, attendez, parce que les couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants par les voies naturelles, moi je dis, il y a une loi naturelle et on ne peut pas aller contre. Et si la nature a fait une femme stérile ? Ça peut arriver, c'est un cas particulier. Bon, c'est des exceptions, en fait. Ah oui, donc non, pour les exceptions, c'est bon. J'étais un peu perdu dans toute cette modernité, pardonnez-moi. Mais j'ai bien compris, le message principal, il faut remettre l'Église, non pas au milieu du village, mais au milieu du débat public, au milieu de la République, pour lutter également, et je conclurai avec ça, contre cette vieille institution qui est le divorce. Il est vrai qu'en tant que catholique, je considère que le divorce n'existe pas. Mais si deux personnes s'aiment plus ? Que quand l'amour humain, c'est un constat, quand l'amour humain est terminé, ça ne veut pas dire que votre mariage est dénoué. Il reste éternel. Ah bah merde alors. Attendez. Bah non, mais ça veut dire que les homosexuels qui sont mariés, ils sont pour l'éternité du coup. Ça, c'est compliqué la modernité. Mais moi j'y crois, je crois en Valérie. Et je lui propose même un nouveau slogan. Le futur, c'est le passé, car l'avenir, c'était mieux avant. Merci Guillaume Meurice, merci pour votre reportage. On est en compagnie de Félix Moati. Et avec vous, on va aborder le deuxième sujet, qui est la COP21, un succès diplomatique. Vous êtes tombé un bon jour, hein. Oui, chaud. C'est vrai. Non, mais... ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Okay. Laurent Fabius est même pressenti pour un Nobel de la paix, dites donc, tellement c'est réussi, c'est incroyable. C'est pas vrai. Oh là là, le mec du sang contaminé, oh, oui, ah oui, bon, la prescription, là, ah oui, vous savez, ça, on peut pas, voilà. C'était la liesse, donc samedi soir, les fusions, mais ce n'est qu'un cap de fixé, il faut désormais passer à l'action. Même au niveau des petites PME, chacun peut passer à l'action, hein, comme celle-ci. Le coup de génie d'Alain, c'est d'avoir créé ça, l'IP005. La brosse à dents verte, avec un manche en bois de pin, 100% européen, avec une brosse en poil de sanglier. Alors, ça risque pas de rebuter les gens, le poil de cochon? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Un extrait de La vie très privée de Monsieur Sim, le film dans lequel vous jouez, Félix Moati. Parce qu'il faut dire que c'est un film très COP21, parce que Jean-Pierre Bacri est engagé, je vous laisse raconter. Pour vendre des brosses à dents écolo, en fait. Des brosses à dents avec des poils de cochon, justement, qui ne nuiraient pas à l'environnement. Quoi. Exactement. Ouais. Et il traverse la France pour aller vendre ses brosses à dents dans une voiture qui est une sorte de voiture hybride. C'est ça. Où il y a un pacte de sobriété, c'est-à-dire c'est le vendeur, le VRP, qui utilise le moins d'essence, qui recevra une prime. Mmh. Donc il y a une partie du film qui se noue autour de cette question. Bah, c'est Fabius qui a écrit le scénario. C'est ça. Vous avez été sensible à l'épilogue de cette COP21. Je ne sais pas si vous avez vu les images, mais Fabius serre François Hollande dans ses bras. Non mais, c'était émouvant. Enfin voilà, il était au bord des larmes. C'était excitant même. Hein, oui, voilà, part. Standing ovation. Bon alors c'est vrai qu'il y a un accord et que c'était pas forcément gagné. Donc il y a juste un cap qui est fixé, tout reste encore à faire. Mais on a réussi, la France a réussi à mettre, grâce à sa diplomatie, 195 pays d'accord. C'est dingue. Vous avez l'air complètement sur le cul par cette affaire. En plus, je suis vraiment sérieux, c'est vraiment dingue. Bah oui. Enfin, en plus, c'est un courage politique parce qu'on verra pas les conséquences de cette décision avant 30, 40 ans. Donc, c'est pas des lois de circonstances, c'est pas des trucs immédiats, c'est pas des trucs dictés par la peur. Mm-hmm. C'est du courage politique, quoi. C'est presque. Enfin, pour une fois, c'est visionnaire. On peut penser ce qu'on veut de ce gouvernement, mais ça, c'est quand même assez. L'histoire nous le dira, quoi. Ouais, c'est pour nos enfants, en fait. Pas à vous, à moi. Donc, dit-il à André Manoukian. Et rappelons que le mieux pour l'environnement, c'est de ne pas faire d'enfants. Hein, Et puis, il y a aussi la diplomatie française qui rayonne de nouveau à travers le monde avec ça. Ouais. Est-ce que vous êtes un peu fier d'être français quand vous voyez que la diplomatie française parvient encore à ce genre d'exploit, finalement? Waouh, c'est des questions là, franchement. Non, mais j'ai vu que. Quand vous savez pas, vous dites oui. Oui, des fois, voilà, elle nous pose des questions, on dit oui. Non, mais en tout cas, c'est fou, c'est héroïque, moi, je trouve, franchement. Enfin, c'est du vrai courage politique. C'est ce que devrait être la politique. Et puis, c'est une page positive de notre politique, quand même. Ça arrive pas tout le temps, n'est-ce pas, Hippolyte Girardot? Ouais, moi, je suis moins enthousiaste, hein, quand même, que Félix. De manière générale. Ouais, le courage politique. Non, le courage politique. Ça m'énerve, ça. Le courage politique, c'est quand même d'assumer ce qu'on fait. Or, comme tu le dis très justement, Félix, c'est que. Voilà. Quand on va arriver au résultat positif ou négatif de cette affaire, de toute façon, eux, ils seront plus là. Donc, le courage politique, ils en seront pas responsables. De la décision. François Hollande a dit qu'il vérifierait en 2020, c'est qu'il compte encore être là en 2020. 2020, non, mais le vrai résultat, c'est 2050 ou plus. Donc, tu vois, en gros, ça les touche pas plus que ça, quoi, au final. C'est le président des Maldives, en fait, qui a raison, et qui dit, OK, l'histoire jugera le résultat, non pas sur la base de l'accord d'aujourd'hui, mais sur ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui. Et lui, tu vois, le mec des Maldives, il a déjà les pieds dans l'eau, voire les genoux, et pour lui, c'est très sérieux, cette affaire. Donc, effectivement. Et surtout moi, pour vos vacances, Hippolyte. Parce moi, je le crois, le ministre de l'Environnement des Maldives, tu vois. Lui, c'est courageux, lui. C'est le débat. Félix Moati, Hippolyte Girardot, gardez le micro pour cette magnifique chronique qui nous attend. Il ne veut pas dire qu'il a gagné le débat. Pour une fois, je m'interdis essayez toujours de parler des films français, mais là, j'étais un peu curieux de voir ce qu'ils osaient sortir face à La Guerre des Étoiles. Un film français, d'après une histoire anglaise, dont d'ailleurs Félix, vous êtes un des plus forts symboles. Vous incarnez très énergiquement, très sincèrement, cette figure du dandy poète homosexuel tragique, aussi anglaise, aussi... Il y a quelqu'un qui a dit un truc là ? Aussi anglaise qu'est français, le rôle du dragueur, loser, névrosé. Mais ce qui m'a intrigué était évidemment le personnage de Bakri. Parce que l'acteur est formidable, toujours aussi sincère, mais au-delà du job, Bakri est aussi un symptôme. Celui qui a incarné bien au-delà de ses désirs, le râleur, grande gueule, de mauvaise foi, est ici un monsieur Sim, candide, vulnérable et idiot. Il tombe amoureux de la voix de sa voiture, il se comporte face à la bombasse Valeria Golino comme s'il avait encore 12 ans et se prend d'affection pour l'histoire d'un navigateur solitaire, anglais, suicidaire. En ce sens, je me suis dit que voilà un vrai film politique, que ce portrait d'un monsieur Sim ayant arrêté de se battre, arrêté de râler, racontait tendrement plus que cruellement notre désamour pour ce qu'on appelle la vie politique. Et pourtant, il y en a qui font des efforts. Valérie Pécresse, par exemple. Ah. Vous l'avez entendu hier soir, Valérie, qui nous a promis son fameux bouclier de sécurité. Genre La Guerre des Étoiles de Reagan, si ça rappelle les souvenirs à quelqu'un, 1983. Mais les gars, sérieux, vous savez comment ça marche, un dôme de sécurité ? Eh ben moi, oui, je sais. J'ai été convoqué au centre du bouclier. C'est tout blanc, avec des immenses écrans sur lesquels passent en boucle des vidéos de Valérie, habillée sobrement d'un tailleur bleu ciel. Elle est suivie par des types en tenue blanche en plastique, la tête recouverte d'un casque qu'on aurait écrasé d'un marteau et dont le bas se serait étalé, créant deux tubes de chaque côté du menton. Dans la vidéo, on voyait Valérie devant un portillon de métro avec ses soldats. Elle montrait le couloir d'où sortait un jeune type qui courait et sautait prestement au-dessus du portillon. J'ai tout de suite reconnu le prototype du fraudeur. À ce moment, des armes des soldats sortaient des rayons multicolores qui anéantissaient le sauteur avant même qu'il ne retouche terre. Alors que la poussière de ce rebelle s'éparpillait sur le sol, Valérie repartait avec ses soldats habillés en yaourt. Elle retournait en immersion, comme elle dit. Moi, je me transporte, non, elle. Elle fait de l'immersion. Déjà, ce côté Jules Verne chez elle, ce côté science-fiction, le bouclier de sécurité, il n'y a qu'elle qui pouvait en avoir l'idée. On m'a assis dans une pièce blanche et un type souriant, beau gosse, gendre idéal, le serial killer dont tous les voisins disent après « j'aurais jamais cru ça de lui, écraser 20 bébés dans un presse-purée, non franchement !» Viens me poser quelques questions. Ne pensez-vous pas qu'un mariage entre deux personnes du même sexe soit contre nature ? Ne désirez-vous pas que nous contrôlions pour votre santé les différentes substances que vous auriez pu insérer dans votre corps ? N'aimez-vous pas l'idée qu'en cas de pensée trop radicale, nous vous proposons une sorte de remise à niveau, un reboot qui vous permette de vous réinsérer dans une communauté heureuse ? Moi, j'ai tout bien répondu malgré la difficulté que j'avais pas de ne pas comprendre pas exactement la syntaxe de leur forme interro-négative. Le monsieur, très souriant, il m'a raccompagné à la porte et il m'a dit que je recevrais mon bouclier de sécurité dans les plus brefs délais. En repartant, je regardais la vidéo où on voyait Valérie repartir dans son vaisseau avec ses yaourts et elle disait... Sur le mariage homosexuel, j'ai changé d'avis parce que tout simplement, j'ai réfléchi. Elle est comme ça, Valérie. D'ailleurs, hier soir, elle a mis un temps fou pour sortir de la pièce. C'est moi, vous êtes sûr, c'est moi ? J'y crois pas. Je vais recompter et je reviens. Tout ça pendant 2 heures. N'importe qui d'autre serait sorti, les bras en l'air, une bouteille dans chaque main en hurlant « Je les ai niqués ! Je les ai niqués ! Je les ai tous niqués ! Je suis le boss maintenant ! On va me parler meilleur ! Et nique ta mère ! Et nique ton père ! Et nique Ola ! » Pas elle ! Pas elle, Valérie ! Mais c'est ça que les gens n'ont pas compris. C'est que Valérie, elle réfléchit. Et oui, alors que Bartolone, il déconne. Et nous, on s'époumonne. Hippolyte Gérard, yeah. Merci. Déclaration d'amour, je pense. Je pense qu'à lire. La technique, Elisabeth a sursauté sur sa chaise. Alors, c'était de la gestion de crise. Merci. Ah oui. Merci, Hippolyte. Ah, Félix Moati est toujours avec nous. Vous n'êtes pas effrayé, tout va bien. Vous êtes non. Jusqu'à 18h. On va aborder le troisième sujet avec vous. Il existe en France des cinémas où rien que la salle est déjà un spectacle. Surtout à Paris, bien sûr. Il y a par exemple le Brady, tiens, un cinéma déglingué. Lingots de quartier, ou alors il y a aussi les Fauvettes, plutôt dans le genre ultra-moderne qui vient d'ouvrir, un écrin pour les classiques. Mais le spectacle est aussi parfois dans la file d'attente au guichet au cinéma. On a vu le film de Fellini mardi dernier. C'est loin d'être un de ses meilleurs. Il y a des lacunes au plan de la cohésion. Tu sais, on a le sentiment qu'il n'est absolument pas sûr de ce qu'il veut avancer. Au fond, il m'a toujours paru évident qu'il n'était qu'un remarquable technicien. Certes, La Strada était un grand film, grand dans l'utilisation d'énergie négative à défaut d'autre chose. C'est cette simple utilisation. Je vais en faire un infarctus. Il m'écoute pas. Je l'écoute pas, mais il me bug son opinion en plein dans l'oreille. Pas totalement à la plate. J'ai manqué ma thérapie, je ne suis pas réveillée. Enfin, comment tu peux faire pour dormir à ce point? Personne ne m'éveille. Est-ce que tu comprends que c'est une conduite d'hostilité envers moi? Ah, évidemment, c'est à cause de notre problème sexuel. Non, écoute, tous les gens qui font la queue dans le New Yorker doivent connaître notre fréquence coïtale. Tiens, prenons Samuel Péliac. Vous l'avez reconnu, Félix Moati, c'est un extrait de Annie Hall. Annie Hall, ouais. De Woody Allen. Vous êtes un fan de Woody Allen? Ah ouais, ouais. Bah, comme beaucoup. Ah, ouais, ouais, ouais, très très fan. C'est une espèce d'ami, quoi. Alors, pas c'est... que c'est juste un bon technicien, vous dire. Oui, sur le plan formel. Alors, c'était un article à lire sur Rue 89. Il y a un livre qui vient de sortir, le livre d'un ancien projectionniste qui s'appelle Jacques Torrens et qui explique un peu l'histoire du cinéma Le Brady. L'auteur rappelle l'histoire de ce cinéma spécialisé dans le fantastique et associé aussi à un lieu de drague homosexuelle. Donc, un lieu que peut-être Valérie Pécresse n'aime pas. Voilà. Et aussi une forme d'un peu de dortoir pour Clodo, en fait, une espèce de cinéma de Cour des Miracles, comme ça, où la porte est ouverte tout mais le temps. Mais c'est le cinéma de Mocky, non? Ouais, et oui, ce fut non. Le cinéma de Mocky, ah, oui, quelques années, plus, effectivement. Bon. Et puis, d'un autre côté, il y a le cinéma des Fauvettes, Gaumont-Pathé, dans le 13e à Paris, où des classiques et des films populaires restaurés sont projetés dans un bâtiment très, très futuriste. Alors ça, est-ce que c'est vraiment, ça semble être le privilège de Paris? Vous êtes né, vous avez grandi à Paris, Félix Moati, oui. Est-ce que vous avez comme ça, vous qui êtes acteur, l'un ou l'autre cinéma, qui soit un cinéma de quartier, ou un cinéma de votre enfance, ou une salle à laquelle vous êtes attaché? Le pâté Beaugrenelle. Non, je rigole, je fais ça. Non, non. C'est le pâté en croûte. Ouais, voilà, c'est... Non, non, bah, non, bah, les cinémas de mon quartier, le 11e, le Majestic Bastille, que j'aime beaucoup, le MK2 de Bastille. C'est de la pub, là, ce que je fais ou... Oh, pff, non, ça va. C'est culturel. C'est culturel, okay. Hein, c'est pour le cinéma. Non, bah, ça, okay. C'est, bah, oui, c'est les cinémas de quartier, quoi. Il y a beaucoup de films qui passent, il y a souvent des rencontres et tout ça. Moi, mais vous n'avez pas forcément une salle qui est associée à votre enfance ou... L'Arlequin. Ah ouais. L'Arlequin. D'accord. J'allais beaucoup avec ma grand-mère qui m'a fait beaucoup ma cinéphilie. Vous auriez pu l'interviewer tout à l'heure. C'est vrai. Et alors voilà. C'est un avantage certain de Paris. Je ne sais pas si autour de cette table vous. Ah, le quartier vient... latin. Le quartier latin. Bah, oui. On peut encore voir des Fellini pour le coup exactement dans ces. Voilà. Mais quand on n'habite pas Paris, c'est peut-être plus difficile aussi. Je sais pas. André Manoukian, vous avez des souvenirs? Quand j'étais petit à Lyon, ouais, il y avait des super cinémas de quartier. Mais Lyon est une grande ville. Ouais. C'est la ville de l'invention du cinéma, les frères Lumière venaient de Lyon. Ouais, mais sauf que voilà, pareil, les cinoches sont tous... Il y avait l'Eldorado, il y avait le Gloria, c'était encore des cinémas dans des théâtres à l'italienne, c'était génial, quoi. Puis tout ça, c'est multisalles, ouais. Etc. Les multiplex, etc., vous êtes sensible à ça? Vous dites ouais, non, ouais. Choisir... Non, autant. Bien sûr, c'est très bien qu'il y ait des films pour tout le monde. Enfin, je veux dire, voilà... et puis c'est beau, je trouve, assez visuellement, les multiplex sont s'y perdent et tout ça... Voilà, moi je. Il y a du charme dans les deux. Et alors voilà. Là, question multiplex, il y aura certainement La Guerre des Étoiles et vous avez le courage, votre réalisateur Michel Leclerc, de sortir en face de La Guerre des Étoiles. Parce que comme je suis au casting, il a pas trop peur, Michel. t'as raison, mon vieux. Voilà. La vie très privée de Monsieur Sim en salle mercredi, et oui, une semaine cinématographique, hein, c'est clair. Alex Vizorek, vous avez une proposition indécente à faire à notre invité. Eh bien, Félix Moati, à la fin de l'émission, on propose toujours à l'invité de participer à un sketch avec nous. Oula. Ah oui, et donc je vous ai trouvé un rôle, attention, parce qu'on le sait, votre papa, souvent sa caméra chez Jean-Marie Le Pen et hier soir il était occupé. Serge Moati, et, oui, Serge Moati, et donc il vous a envoyé à sa place pour voir ce qui se passait parce que Jean-Marie ce matin s'est plaint. Il a essayé d'appeler Marine, il a essayé d'appeler Marion et personne lui a répondu. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Jeannie Vanhoenacker, Jean-Marie Meurice et Félix Moati. Jeannie, n'est-ce pas, au pied? Oui, mon Kaiser. Jeannie, qu'est-ce que t'as foutu avec le téléphone? Mais rien, mon amour, mais pourquoi? J'appelle Jean-Marie, n'est-ce pas? J'appelle Marine, pardon, Jean-Marie, c'est moi. Elle ne répond pas, tu le crois, ça, Serge? Ah non, moi, c'est Félix, c'est son fils. Oh, les enfants, tu répondrais à ton père, toi, t'es pas un ingrat, n'est-ce pas? Peut-être que Marine est occupée à fêter sa défaite victorieuse. Bon, j'appelle Marion. Elle te plaît, Marion? Bah, vous diriez très bien ensemble quand même, tu lui plairais beaucoup. Vous savez que je suis juif tunisien? Ah oui, non, tu lui plairais pas en fait. Non, mais mince. Bon, Jeannie, elle répond pas. Mais laisse-la, elle s'amuse, elle est occupée à dire du mal du planning familial. Ah, les traîtresses! Marine et Marion seraient rien sans la famille. Oh, calme-toi, mon amour. Bon, calmez-vous, monsieur Le Pen, là. Mais je suis très calme, Serge! Non, ouais, c'est Félix. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci, 10 ans de psychanalyse. Allez, pour moi qui fais Le Pen, c'est bien. J'espère que tu filmes mieux ton père. Quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rendu sympathique. Bah, et sans effets spéciaux, hein. Hey, désolé. Personne ne me répond au téléphone, c'est insupportable. Bah, appelez Monsieur Collard. Mais ça va pas, vous voulez l'énerver ou quoi? Monsieur Philippot. Mais arrêtez, là, vous allez me le tuer. De qui il parle, de Judas? Non, il proposait que tu appelles Louis Alliot. Ah, je trouve ça ridicule de lui téléphoner. Allô, Alliot, il y a quelqu'un, personne ne répond. Très spirituel, monsieur. Merci, Serge. Bon, je vous laisse, je vais voir le nouveau Star Wars en avant-première, n'est-ce pas? Pourquoi? Je me sens proche de Dark Vador, même si il est noir, bien sûr. Lui aussi a pas mal de problèmes avec sa descendance. Merci Félix Moati. Ouais, je vais chez ma psy juste après. Ça, prenez le texte. Voilà. Prenez le texte avec. Bah alors, on m'a fait croire qu'il y avait Jean-Marie Le Pen, que je m'appelais Serge. C'est vrai. Et en plus, comme cette nuit, vous avez rêvé de Marine Le Pen récemment à cause des résultats d'élection. Ouais. Marine ou Marion? Marine. Ah oui, ouais, d'accord. On vous a pas aidé, là, c'est sûr. Marion, ça arrive assez régulièrement à Alex de Révélation. Merci Félix Moati. On rappelle que vous jouez dans La vie très privée de Monsieur Sim, de Michel Leclerc, réalisateur qui vous porte chance. Un film avec Jean-Pierre Bacri, Mathieu Amalric, Valeria Golino, Isabelle Gélinas et Venantini, notre grand-père à tous. Oui, évidemment. Merci à tous autour de cette table. Hippolyte, Guillaume, André, Alex, merci beaucoup. On se retrouve demain avec Benoît Colomba, un enquêteur, attention, ah oui. Guillaume Meurice, voilà. Très et on sûr. Laisse le mot de la fin. Le mot de la fin à ma mamie qui vient d'apprendre l'éviction de Julien Lepers. Julien Lepers? Mon Dieu, mais je t'assure que ça me choque quand même, hein.